Bonjour et bienvenue. Je vais parler exactement une minute. Je suis Yves Cohen, directeur d'études à l'École des hautes études. Et je voulais souhaiter la bienvenue à tous nos amis. Je ne fais pas partie de PDS, mais j'ai décidé, comme quelques collègues, de rejoindre pour l'occasion PDS, vu l'urgence de la discussion sur les enjeux politiques et pratiques de ce passage à la commu officiellement et éventuel finalement. Je voulais dire deux choses. D'une part, que comme nous avons pris énormément de contacts avec des collègues, on a fait quelque chose qui ne se fait pas trop, c'est-à-dire qu'on avait dit qu'on démarrait à 10h et en fait on a ramené à 9h30. Donc c'est une des choses qui peut expliquer, en particulier la faible audience de l'école. On a diffusé ça, je le signale pour nos amis qui ne sont pas de l'école, on a diffusé sur la liste générale de l'école, c'est-à-dire la liste qui comporte à la fois tous les personnels, tous les étudiants et beaucoup de gens qui sont rattachés à un titre ou à un autre à l'école. Donc ça a été très diffusé et encore rappelé ce matin. Par ailleurs, je voulais dire aussi une autre chose, c'est que la présidence de l'école a créé une plateforme de discussion à la demande de l'Assemblée qui a eu lieu à la fin du mois de mars. Mais elle pose un problème parce qu'il faut en fait s'y inscrire, c'est-à-dire qu'on n'est pas automatiquement inscrit. Et ça n'a pas été expliqué de façon claire, ce qui fait qu'il n'y a que 125 inscrits sur cette plateforme de discussion, alors qu'on devrait être, en comprenant tous les personnels, c'est-à-dire enseignants, non-enseignants, ingénieurs, iatos, doctorants, etc., on devrait y être largement plusieurs centaines, quoi. Enfin, bon. Et alors c'est pour ça qu'on est en ce moment en pleine discussion avec la présidence, puisque, comme l'a fait d'ailleurs un de nos collègues pro-commu, non seulement nous utilisons la plateforme, mais nous utilisons aussi cette liste complète de l'école. Enfin, quelques-uns d'entre nous l'utilisent, et donc il y a tout un conflit. Et enfin, mais je crois que Michel va en parler, la présidence, malheureusement, ne viendra pas et n'enverra personne, je pense, réservant son propos aux instances qui auront lieu, qui se réuniront demain. Il y aura demain une réunion du conseil d'administration et du conseil scientifique. Et je pense que la présidence leur dira beaucoup de choses et sans doute n'a pas du tout envie de nous le dire à nous.